France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une histoire à dormir debout, et pourtant bien réelle, évidemment. Une histoire à la frontière de l'ethnologie, de la mythologie et du fantastique, celle de Clervius Narcisse, l'homme qui s'est transformé en zombie. Au mois de février 1980, la presse locale à Haïti diffuse l'histoire d'une personne déclarée morte et enterrée 20 ans plus tôt, mais qui vient de réapparaître vivant dans son village natal. Cet individu s'appelle donc Clervius Narcisse. Au médecin qui l'examine, il explique avoir été zombifié par un sorcier vaudou et avoir ensuite été réduit en esclavage. Sur le papier, ce récit s'écrit au conditionnel, bien sûr, de celui qu'en fait l'intéressé, et nous invite tout naturellement à poser cette question. Est-il une victime de la religion vaudou ou un falsificateur de sa propre histoire ? Si le cas de cet Haïtien intrigue autant la communauté scientifique, c'est parce que pour la première fois, il existe sur le terrain des faits documentés, circonstanciés. Oui, des éléments qui pourraient permettre aux scientifiques de prouver et surtout de comprendre le processus vaudou de la zombification. Notre invité aujourd'hui est le professeur Philippe Charlier, médecin anthropologue, directeur de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly. Il s'est rendu en Haïti pour enquêter justement sur l'histoire de Clervius Narcisse. Il en a tiré un documentaire dans sa série Enquête d'ailleurs, ainsi qu'un livre intitulé Zombies, enquête sur les morts vivants, paru chez Talendier en 2015. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Adrien Cara, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. La porte du surnaturel s'est ouverte. Et vous venez d'en franchir le seuil. Quelqu'un l'a ressuscité des morts, et je veux savoir comment il l'a fait. La mort, ce n'est pas la fin. Je volerai ton arme. Tu crois que tu peux t'emparer de tous nos secrets et t'en aller comme ça ? Au plus profond de l'imaginaire. Le plus terrifiant des cauchemars, c'est la vie. Ne les laissez pas m'enterrer. Je ne suis pas mort. 11 mai 1988, Paris, cinéma des Grands Boulevards. À l'affiche de la séance du soir, L'Emprise des Ténèbres, dernier film du réalisateur américain Wes Craven. Un long métrage qui propulse les spectateurs dans une histoire terrifiante, alternant magie noire et croyances obscures, quelque part sur une petite île des Caraïbes. Le scénario suit les aventures de l'anthropologue Dennis Allan, envoyé en mission dans une clinique d'Haïti pour rencontrer un patient diagnostiqué mort et qui serait miraculeusement revenu à la vie. Sur place, Allan découvre l'existence d'une mystérieuse poudre vaudou, une sorte de mélange capable de plonger un humain dans un état de mort artificiel, autrement dit, d'en faire un zombie. L'enquête de l'anthropologue le met aux prises avec les tontons Makout, miliciens paramilitaires aux ordres du dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier. Des individus qui, dans le film, utiliseraient la poudre vaudou pour éliminer les opposants politiques au régime. Wes Craven, lui, gomme au fil des minutes la frontière entre récit d'épouvante et réalité. Conséquence, pour le spectateur, il devient très vite impossible de faire la part des choses entre la réalité et la fiction, comme l'explique l'historien du cinéma Philippe Royer. La grande idée, c'est d'avoir fait des prêtres vaudous méchants les tontons Makout. Parce que l'histoire se passe en 1985, donc c'est encore le Haïti de Duvalier qui fait régner la terreur, c'est la dictature. Et donc, lier la police politique aux forces du mal, aux forces occultes du mal... toujours été plus ou moins le cas, quand même. Oui, Duvalier s'est appuyé sur... Voilà, c'est le Wes Craven qui veut toujours ancrer sa réalité, son horreur, dans la réalité. Bien loin d'être anecdotique, la trame du film et son personnage principal s'inspirent tous deux d'une histoire réelle. Celle du véritable anthropologue Wade Davis, un scientifique qui s'est rendu en Haïti quelques années plus tôt pour étudier le cas de zombification d'un certain Clervius Narcisse. Dans L'Emprise des Ténèbres, il n'y a rien de concret au sujet de l'affaire Narcisse. En revanche, Les conditions du tournage du film à Haïti illustrent les fantasmes, les peurs et la fascination qu'exerce depuis des décennies la religion vaudou sur les Occidentaux. À son retour aux États-Unis, Craven témoigne avoir craint pour sa vie et celle de son équipe. Un soir, lors de la visite d'un marché, son scénariste a failli être zombifié, oui, sous ses yeux, par un sorcier local. Pris de panique, le réalisateur et l'équipe du film ont alors décidé de quitter Haïti en catastrophe pour terminer le tournage en République dominicaine voisine, un endroit jugé plus sûr. Alors, s'agit-il là d'une preuve du danger qu'il y a en Haïti de s'intéresser de trop près à la science vaudou? Ou s'agit-il d'un coup de com' orchestré par Craven et ses producteurs? Rassemble les deux chaises pour que je pose l'appareil. Il y a une prise ici. Tourne l'antenne. Ces événements incroyables ne sont malheureusement pas le fruit d'une hystérie collective. Des assassinats ont eu lieu sur un tiers de notre territoire. Les créatures qui les commettent se nourrissent ensuite de la chair de leurs nouvelles victimes. Nous avons maintenant la preuve que des êtres récemment assassinés ont retrouvé peu de temps après la vie et ont immédiatement attaqué d'autres personnes. Les pompes funèbres, les morgues et les hôpitaux sont arrivés à la conclusion suivante. Tous les morts, non ensevelis, reviennent à la vie. Le centre de survie du Pentagone nous informe à l'instant que l'on peut abattre ces êtres avec une balle dans la tête ou un violent coup sur le crâne. Les médecins et les spécialistes de la NASA nous ont expliqué que les radiations réanimaient une partie du cerveau. Il faut donc que le cerveau soit détruit pour anéantir ses êtres. Une chose est certaine, en s'accaparant la réalité, en la déformant et en la remodelant pour en faire un spectacle grand public, Hollywood rend plus opaque encore la religion voodoo à laquelle appartient justement le phénomène des zombies. 20 ans avant l'emprise des ténèbres, en 68, le cinéma américain s'était déjà emparé des histoires et des mythes qui viennent d'Haïti. Dans son film « La nuit des morts vivants », le réalisateur George Romero assimile alors le zombie à une sorte d'entité démoniaque, sans âme ni conscience. Et surtout, il en fait un cannibale, une créature maléfique qui traque les vivants pour se nourrir de leur chair, un peu à la manière du mythe des vampires suceurs de sang, autre star des films d'horreur américains. Mais que les choses soient claires, cette représentation cauchemardesque du zombie, made in Hollywood, n'a rien à voir avec la réalité. Et pourtant, elle va s'imposer dans l'imaginaire occidental, au point que la petite île d'Haïti va alimenter les peurs sur l'existence de prétendus morts vivants qui pourraient un jour quitter leur île et envahir la Terre. Un cliché tenace qui va nuire aux travaux des scientifiques qui étudient la religion vaudou sur le terrain, bien sûr. Et parmi eux, l'anthropologue canadien Wade Davis. Lors d'un documentaire télévisé consacré à ses recherches, il réaffirme que la véritable définition du zombie est très différente de celle du cinéma. La définition folklorique d'un zombie est un mort-vivant. C'est un individu qui, par l'utilisation de la magie, a été entraîné dans la mort. Ensuite, après une certaine période de transition, on l'a ramené à la vie, toujours grâce à la magie, pour vivre un destin incertain, mais un destin qui implique invariablement l'oppression et l'esclavage. Wade Davis, c'est justement l'homme qui a participé à l'une des premières enquêtes documentées sur un cas de zombification, celle de Clervius Narcisse, le personnage principal de notre histoire. Avril 82, aéroport international de Port-au-Prince. Muni d'un sac à dos, de son appareil photo et d'un carnet de notes, Wade Davis débarque pour la première fois à Haïti. De la fenêtre de son taxi, le jeune homme de 28 ans découvre la chaleur poisseuse, la poussière ocre et étouffante qui règne sur ce petit territoire des Caraïbes. Situé sur la partie ouest de l'île de Saint-Domingue, Haïti est grande comme trois fois la Corse. Elle se compose de paysages vallonnés, escarpés, recouverts par la jungle, au milieu desquels se trouvent des plantations, ici de céréales, là de canne à sucre. Dirigée depuis 25 ans d'une main de fer par une famille de dictateurs, les Duvaliers, Haïti n'a d'image de carte postale que les eaux turquoises qui bordent ses côtes. Car tout étranger qui y met les pieds découvre vite l'envers d'un décor nettement plus sombre, mélange de pauvreté et de peur. Pays pauvre, l'un des plus pauvres de la planète, c'est sur lui que phénomènes climatiques, violences et séismes s'abattent le plus souvent. Haïti, ou les damnés de la Terre. C'est aussi un pays de rites culturels et de croyances religieuses omniprésents dans la société haïtienne. Des pratiques spirituelles occultes et qui font partie de ce qu'on appelle le vaudou. Originaire d'Afrique, la culture vaudou s'est développée à Haïti après la colonisation par les Espagnols. Bouleversées par l'esclavage, les populations locales ont développé une fascination pour les esprits, les forces vitales et les génies satanatiques ou protecteurs, C'est dans ce contexte qu'est apparu le vaudou, religion méconnue et mal comprise par les colons et leurs descendants, et qui sera par la suite détournée de ses principes et utilisée par le pouvoir des Duvaliers pour terroriser sa population. Comme en témoigne l'ethnocénographe Françoise Grund, qui s'est rendue sur l'île. Il s'agit d'une technique pour pouvoir asservir des gens, se procurer des esclaves à bon compte. Vous savez que Haïti est un pays tropical où les plantes abondent, où comme en Afrique, on est très au courant de la science des poisons. Donc, on met des gens en état de mort apparente. Et lorsqu'ils sont tombés dans un certain coma, lorsqu'ils se réveillent, celui qui a provoqué cette mort apparente peut les utiliser alors qu'ils sont vidés de leur substance. C'est la raison pour laquelle, pour être sûr que quelqu'un est bien mort en Haïti, on lui cloue les poignets au couvercle de son cercueil. Wade Davis est professeur au musée botanique de la prestigieuse université de Harvard aux États-Unis. Quelques semaines plus tôt, l'un de ses confrères, le professeur Klein, père de la psychopharmacologie, prend contact avec lui. Klein explique à Davis qu'un médecin haïtien a admis dans sa clinique un patient de 58 ans, du nom de Clervius Narcisse, un homme qui prétend avoir été pris au piège d'un sortilège vaudou. Klein ajoute que l'histoire et l'identité de Narcisse ont été vérifiées et qu'il existe de nombreux éléments qui corroborent son témoignage. Comprenez, il serait donc possible d'étudier un véritable cas de zombification. Pour Klein, il ne fait aucun doute que les zombies existent. Et il ne fait aucun doute non plus que ce n'est pas la magie qui est derrière tout ça, mais bien la science, et en particulier la chimie. La mission que Klein confie à Davis et donc de découvrir quelle substance peut être suffisamment puissante pour transformer un homme en zombie et le garder dans cet état végétatif pendant des années sans le tuer. Klein y voit là de formidables retombées pour la pharmacologie. Le médecin suppose qu'une telle drogue permettrait l'hibernation du corps et ouvrirait de nouvelles possibilités de traitement, en particulier pour les maladies telles que la sclérose en plaques. C'est dans une salle d'examen du centre de psychologie et de neurologie d'une clinique de Port-au-Prince que se déroule la première rencontre entre l'anthropologue Wade Davis et son sujet d'étude, Clervius Narcisse. Sur la table ont été réunies les preuves matérielles de la mort et de la réapparition de Narcisse. Il y a tout d'abord un certificat de décès, document original provenant de l'hôpital américain de Port-au-Prince, tamponné et signé par les médecins. Il y a ensuite des analyses toxicologiques réalisées quelques semaines plus tôt et qui démontrent que Narcisse n'est pas sous l'emprise d'une drogue, mais qu'il a été drogué par le passé. On trouve également des relevés IRM du cerveau, des clichés qui ne laissent apparaître aucune séquelle neurologique. À cela, et enfin, s'ajoutent des feuillets dactylographiés de témoignages d'une dizaine de personnes qui confirment avoir vu Narcisse mort à l'hôpital, puis être enterré, et enfin qui affirme que c'est bien ce même homme qui est réapparu vivant dans son village natal 18 ans plus tard. Sur France Inter, le docteur Heinz Lehmann, psychiatre à l'hôpital général de Montréal, explique qu'il a pu consulter les documents. Pour lui, il n'y a aucun doute possible, Narcisse est bien l'homme qu'il prétend être, un vivant revenu d'entre les morts. Je n'ai pas cru cette histoire non plus jusqu'à le docteur Durion m'a présenté les documents. J'ai vu le certificat de mort, le diagnostic était l'édème pulmonaire et l'hypertension et l'alcoolisme. Et c'était fait par un docteur dans un hôpital à Haïti, en 1962. J'ai vu aussi l'empreinte de doigts de ce Narcisse parce que, comme beaucoup de des gens à Haïti, ils ne pouvaient pas écrire son nom et à l'admission à l'hôpital, ils ont pris des empreintes pour l'identifier. Et Alors, il y a vraiment la documentation presque certaine qu'il était mort ou déclaré mort et qu'il était enterré. Et maintenant, il n'y a pas de doute que c'est le même homme parce qu'il est reconnu par sa sœur, par beaucoup de gens dans le village. Assis dans un fauteuil, le visage souriant, Clairvius Narcisse accueille avec curiosité Wade Davis. Les présentations faites, le paysan haïtien se lance dans le récit de son histoire. Présent à leur côté, le docteur Lamarque Doyon, psychiatre haïtien, qui assure la traduction de Narcisse, car celui-ci s'exprime en créole. L'histoire commence un soir du mois d'avril 62. Après un repas, Narcisse explique s'être senti mal, de manière subite. Sans que je sache pourquoi, je n'arrivais plus à respirer, et j'ai fini par cracher du sang, dit-il. Pris en charge à l'hôpital américain de Port-au-Prince, les médecins sont incapables d'établir un diagnostic. En l'espace de quelques heures, son état se dégrade. Trois jours plus tard, il meurt sur son lit d'hôpital. Cause du décès, d'après les médecins, un œdème pulmonaire et une hypertension maligne. Voilà pour la version officielle établie par le corps médical. Car Narcisse affirme qu'en réalité, il était bien vivant, oui, et conscient de tout ce qui se passait à ce moment-là. C'est ce que son traducteur affirme. Et en définitive, il a bien entendu le médecin américain qui était à son chevet dire que cet homme était mort. Et c'est à ce moment-là qu'il a été envoyé dans la salle où l'on le conserve. Et ensuite, il a été remis à ses parents qui l'ont transporté en camionnette à Lester, son village natal. Là, les préparatifs ont été faits pour les funérailles. Il a été même mis dans un cercueil et où il a été blessé par le clou qui servait à enclouer justement le couvercle de ce cercueil. Clairvius Narcisse montre à Wade Davis la cicatrice qu'il a sur la joue et qui serait donc le résultat du clou planté dans le bois du cercueil lorsque celui-ci a été refermé. Avec lui dedans, donc. Toujours conscient, mais incapable de bouger, Narcisse raconte avoir entendu ses parents pleurer et chanter une chanson à sa mémoire. Impuissant, il a senti son cercueil être soulevé, puis descendu dans le trou du cimetière. Vous en connaissez beaucoup des gens qui assistent à leur propre enterrement ? Wade Davis écoute, prend note de chaque détail, car l'enchaînement exact des faits est d'une importance capitale pour lui, s'il veut comprendre le mécanisme de cette zombification. La suite de l'histoire que lui raconte Narcisse est encore plus surprenante. Le soir de l'enterrement, en effet, Narcisse explique que deux hommes sont venus le chercher. Ils ont creusé la terre, l'ont sorti du cercueil, lui ont fait boire une sorte de potion et l'ont ensuite emmené avec eux dans la ferme d'un sorcier vaudou, un homme que les Haïtiens appellent un bokor. Cela dit, et c'est là, dit Narcisse, qu'il a compris qu'en réalité, quelqu'un lui avait jeté un sort, vaudou. C'est là qu'il a réalisé que c'est son frère qui a voulu se venger de lui pour une histoire de partage de terre et d'héritage. Il ajoute qu'après avoir bu la potion, son corps et son esprit sont devenus trop faibles pour se révolter contre le sorcier. Narcisse explique qu'il n'était ni mort ni vivant, mais sous l'emprise totale du bokor qui avait fait de lui son esclave. Pendant 2 ans, il raconte avoir travaillé dans les plantations du sorcier aux côtés, dit-il, d'une centaine d'autres zombies. Jusqu'au jour où il retrouve la liberté sur un incroyable concours de circonstances que nous explique encore son traducteur. Le bokor était mort, tué par un des zombies qui s'était fâché du fait que la nourriture était amenée ce jour-là en retard. Alors comme le Wongan faisait des reproches aux zombies et il avait même frappé, alors ce zombie s'est paré enfin d'une roue et aurait frappé le bokor à ce moment-là. Le sorcier mort, les zombies se retrouvent brutalement libérés de son emprise. Pour autant, Narcisse et les quelques dizaines d'autres prisonniers zombies ne sont pas libres. À Haïti, le régime dictatorial des Duvaliers, conscient de l'importance et du rôle clé de la religion vaudou pour garder un contrôle sur la population, veut éviter tout trouble à l'ordre public. Mais surtout, Papa Doc et ses hommes de main, les tontons Macoutes, profitent de chaque occasion pour démontrer que leur puissance est supérieure à celle du vaudou. Conséquence, de prisonnier d'un sorcier, Narcisse se retrouve patient enfermé dans une sorte d'asile pour anciens zombies. Comme il l'explique. À l'époque, le président Duvalier était au courant de ce fait. C'est lui qui avait fait envoyer un camion pour recueillir tous les zombies et qui avait transféré toutes ses troupes et au Cap Haïtien où ils ont été recueillis par un asile pour vieillards. Mais et après publication faite par la police demandant aux gens qui se souviennent d'avoir perdu et un parent afin de bien vouloir venir chercher. La suite de l'errance de Narcisse reste mystérieuse et parsemée de zones d'ombre. Ce dernier ne fournit pas beaucoup de détails sur ce qui s'est passé ensuite. Ce que l'on sait, toujours selon son témoignage, la seule source finalement, c'est que pendant presque 2 décennies, il aurait vécu dans les champs et dans la jungle. Ensuite, lorsqu'il apprend la mort de son frère, celui qui lui avait jeté un sort, il décide alors de revenir dans son village natal de l'Estéret. C'est là qu'en février 80, il aborde une jeune femme du nom d'Angelina. Au premier abord, elle ne comprend pas qui est cet homme qui s'adresse à elle. C'est seulement lorsque Clairvius utilise son surnom d'enfance, connu de ses seuls frères et sœurs, que la jeune femme comprend. Cet homme, au regard hébété, aux vêtements sales et dont les mains tremblent, c'est son frère. Oui, celui qu'elle a enterré 18 ans plus tôt. Et maintenant, alors, maintenant que tout ça c'est fini, comment vous vivez? Qu'est-ce que vous pensez de la vie, de la mort de... Ah ben, je ne pas penser à rien pour la mort, parce que je me dis déjà, je me connais Goul. Il dit qu'il n'a aucune idée bien spéciale, mais il sait qu'il est déjà passé par la mort et il connaît le goût de la mort. Ben, j'espère que vous le connaîtrez le plus tard possible, maintenant. Oh oui, là, mon gars pour moi, encore le monde me met en besoin. Mais comme qu'on est clairement, si que qu'on y a pas dans bouchon pas conduit, hein, pas vraiment un bagarre monde, pas manque de ces gars, qu'on aime se mettre en couple avec un groupe, mon pas actuellement. Il dit alors qu'il sait qu'il doit mourir quand même d'une mort naturelle. Quand son maître l'aura appelé, c'est-à-dire Dieu. Alors c'est ce jour-là qu'il saura qu'il sera mort pour de bon. Aujourd'hui, le cas Clervius Narcisse, l'homme qui s'est transformé en zombie. Été 82. Perdu quelque part au milieu de la jungle d'Haïti, l'anthropologue Wade Davis poursuit son enquête sur l'affaire de la zombification de Clervius Narcisse. Toujours sur la base du témoignage de Narcisse lui-même, et après avoir étudié de nombreux cas similaires, le scientifique est convaincu que le dénominateur commun à toute cette affaire, c'est un mystérieux sorcier, celui que les Haïtiens appellent ici le Bokor. Oui, c'est cet individu qui préparerait la potion, celle-là même que Narcisse prétend avoir été contraint de boire. Une potion qui l'aurait ensuite plongé dans un état proche de la mort cérébrale pendant 2 ans. Grâce aux recherches de son confrère, le biochimiste Max Beauvoir, Davis parvient à se faire inviter à des cérémonies vaudou secrètes. De ces épisodes, il racontera que chacune de ces cérémonies fut une expérience incroyable et souvent différente, avec des rites et des pratiques qui variaient d'un sorcier à un autre. Il y a en Haïti, poursuit Davis, des croyances très fortes et beaucoup de mysticisme. Il est très dur de généraliser la pratique de la religion vaudou, car celle-ci semble propre à chaque village, à chaque communauté ou chaque territoire sur lequel exerce un ou parfois plusieurs sorciers. Lors d'une rencontre avec l'un d'eux, justement, Davis obtient le privilège de pouvoir emporter avec lui plusieurs échantillons de la fameuse poudre zombie, celle qui transformerait les hommes en morts vivants. L'objectif est de les analyser en laboratoire pour trouver leur composition chimique, comme l'explique Wade Davis lui-même. Ce que je cherchais, c'était un produit naturel dont les propriétés pharmacologiques pouvaient provoquer une mort apparente. Et ce que j'ai découvert parmi les 7 échantillons que j'ai obtenus et dont j'avais assisté à la préparation, c'est que chacune de ces mixtures contenait un ingrédient provenant de différentes espèces de poissons. Mais tous de l'ordre des tétraodontiformes. De retour aux États-Unis, c'est dans le laboratoire du musée botanique de l'université de Harvard que Davis finit par découvrir ce qu'il pense être le composant secret de la potion zombie. Cette substance chimique serait une neurotoxine qui répond au nom de tétrodotoxine, un anesthésique 160 000 fois plus puissant que la cocaïne. Un composé chimique mortel qu'on trouve sur la peau et dans les organes des poissons globes. Des poissons facilement repérables, car ils ont la capacité de gonfler dans l'eau en période de reproduction ou lorsqu'ils se sentent en danger. Au Japon, il est connu sous le nom de fugu. Et dans tout l'archipel japonais, c'est un mets délicat qui ne peut pas être préparé par autre personne que des chefs assermentés, car toute mauvaise manipulation dans la découpe des organes pourrait rendre ce plat cher et raffiné hautement mortel. Dans le documentaire Enquête d'ailleurs, consacré aux zombies d'Haïti, le chercheur du CEA, Julien Barbier, explique les conséquences d'une intoxication à la tétrodotoxine à son confrère Philippe Charrier. La tétrodotoxine agit sur le système nerveux. Exactement. Elle est capable de se fixer sur les terminaisons nerveuses et de bloquer la propagation du message nerveux, aussi bien au niveau des nerfs sensitifs que des nerfs moteurs. Quel est le tableau clinique d'une intoxication à la tétrodotoxine ? Alors, les intoxications à la tétrodotoxine sont classées en 4 niveaux cliniques, suivant le niveau de gravité. Donc, le premier niveau correspond à un engourdissement, en fait, de la zone périorale avec l'apparition de fourmillements au niveau des lèvres. Et alors, des niveaux plus graves ? Alors, au niveau 2, on a un engourdissement de la langue et des muscles du visage qui apparaît avec une paralysie motrice qui touche les troubles de la coordination des mouvements et également des problèmes d'élocution. Et le grade 4, le grade le plus grave, que représente-t-il ? Alors, les gens présentent une détresse respiratoire sévère, ont un rythme cardiaque qui est fortement ralenti, et ça peut entraîner donc une perte de conscience et éventuellement la mort des patients. Dans la littérature scientifique japonaise, Davis découvre une 20aine de cas avec des symptômes similaires à ceux des zombifications en Haïti. Et à chaque fois, il s'agit de l'histoire d'individus déclarés morts pour une insuffisance respiratoire et qui se sont ensuite réveillés, pour certains à la morgue, pour d'autres dans leur cercueil alors qu'ils étaient en chemin pour la crémation. Une façon de passer du mort vivant au vivant mort. C'est la raison pour laquelle il existe depuis les années 50 au Japon une règle incontournable. Le corps de toute personne suspectée d'être morte par empoisonnement au poisson fougou doit être gardé en observation pendant 3 jours afin de pouvoir être enterré. Ceci afin d'être sûr, bien sûr, qui elle ou elle sont décédés. Quelques mois plus tard, décembre 1982, centre de recherche toxicologique de l'hôpital Columbia de New York. Le professeur de neuropathologie Léon Roisin analyse à son tour les échantillons de poudre vaudou sur la peau d'animaux cobayes. Des souris, des rats, des singes, les résultats qu'il obtient sont stupéfiants. Au bout de 6 à 9 heures, les souris ont cessé de répondre aux stimuli oculaires, auditifs ou même à la douleur. Petit à petit, ils ont cessé de bouger. De loin, on aurait dit que les rats étaient morts ou dans le coma. Pourtant, on pouvait voir qu'ils respiraient encore et que leur cœur battait. Certaines de ces souris sont restées dans cette situation jusqu'à 24 heures. Chez les singes, qui sont beaucoup plus agressifs que les rats, le produit a complètement changé le comportement des animaux en seulement une demi-heure. Ils étaient dans une sorte de léthargie catatonique, conscients mais insensibles à la douleur. Roisin en conclut que, dosé avec précision, la tétrodotoxine entraîne quasiment à chaque fois un ralentissement du rythme cardiaque, des pertes de conscience et une paralysie partielle ou générale. Des résultats qui peuvent expliquer l'état de paralysie et donc de soumission dans laquelle Clervius Narcisse dit s'être retrouvé. Grâce au témoignage de ses proches et au compte-rendu médical, l'hypothèse est celle d'un empoisonnement par contact avec la peau. Les commanditaires ont dû déposer de la poudre zombie sur ses chaussures ou ses vêtements. Ensuite, le contact prolongé avec la peau aurait fait pénétrer le poison dans le sang et aurait plongé Narcisse dans un état d'insuffisance respiratoire. Pour autant, s'agit-il là de la véritable clé du mystère à l'origine de la zombification vaudou ? Non. Car au-delà de la tétrodotoxine, il existe d'autres substances qui pourraient expliquer l'état de paralysie des victimes de la potion vaudou. L'une d'elles, c'est l'herbe du diable, aussi appelée herbe des sorciers. C'est une plante d'apparence banale qui pousse souvent en bordure des chemins de campagne ou des parcelles agricoles. L'herbe du diable, de son vrai nom datura, est très répandue en Amérique centrale et dans les Caraïbes. À la différence de simples orties, elle possède de puissantes propriétés hallucinogènes. Mais son contact prolongé avec la peau peut également avoir de sérieuses conséquences sur le système nerveux central. Alors, la datura serait-elle partie prenante dans la poudre zombie ? Donner en continu aux victimes permettrait-elle de les maintenir dans cet état de mort-vivant ? Wade Davis ne pourra pas le prouver. Une certitude, tout de même, pour le biochimiste haïtien Max Beauvoir, celui-là même qui a accompagné Davis lors de son périple en Haïti, la réponse scientifique à la question de la zombification ne peut pas être ramenée au seul plan chimique. Non, elle est aussi, et peut-être avant tout, psychique. Beauvoir insiste en effet sur l'effet psychologique de la peur du vaudou sur la population locale. Une religion étroitement imbriquée dans toutes les strates de la société haïtienne et qui ramène les habitants au passé sombre et jamais refermé de l'esclavage en Haïti. D'ailleurs, ni les poisons, ni la médecine n'expliquent la force des traditions haïtiennes. Des forces qui, d'après Beauvoir, sont beaucoup plus puissantes sur la population que n'importe quelle recette pharmacologique. Croyances, coutumes et pressions sociales ont beaucoup plus de valeur pour les Haïtiens que n'importe quel médicament, conclut-il. Pour Beauvoir, le conditionnement, la peur et la suggestion du sorcier auraient pu plonger Narcisse dans un état hypnotique équivalent ou proche de celui dans lequel il s'est retrouvé. Entre résultats d'expérience et d'expérimentation toxicologique aléatoire et rôle social dans la société haïtienne, quel est donc le juste milieu qui peut expliquer ces cas de zombification ? Des cas qui se comptent par milliers en Haïti tout de même. Quoi qu'il en soit, Clervius Narcisse va bel et bien avoir droit à une seconde vie après sa première mort et sa zombification. Régulièrement invité aux États-Unis pour participer à des conférences sur le vaudou, il profite d'une fin de vie très privilégiée, comparée en tout cas au reste de la population haïtienne. Il va d'ailleurs se remarier à une très jeune femme avec qui il aura des enfants. En 1994, Narcisse meurt, cette fois pour de bon, et de manière naturelle, à l'âge de 72 ans. Il emporte avec lui ses secrets, sa part de vérité sur l'affaire. Paradoxe, toutefois, de cette histoire, Narcisse est le seul Haïtien à être mort deux fois au registre de l'état civil en Haïti. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Clervius Narcisse, l'homme qui s'est transformé en zombie. Un jeune stagiaire de 3e présent dans ce studio m'a dit pendant le premier disque « Elle est étrange votre histoire, monsieur ». Et notre invité a rétorqué immédiatement « Mais elle est réelle ». Notre invité, c'est vous, professeur Philippe Charlier. Bonjour. Bonjour. Effectivement, c'est parce qu'elle est réelle qu'elle est fascinante. Alors, médecin anthropologue, directeur de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly, vous vous êtes rendu en Haïti pour enquêter sur l'histoire de Clervius Narcisse. Vous en avez tiré un documentaire dans votre série Enquête d'ailleurs. Et un livre de référence, Zombie, enquête sur les morts vivants, paru chez Talendier en 2015. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de vaudou, la question peut se poser, parle-t-on de religion, de culture, de rites, de sorcellerie ou de simples faits divers, à moins que ce soit tout cela à la fois. Et c'est ce qui rend l'affaire si compliquée à cerner et aussi si fascinante. Le vaudou, c'est une religion à part entière, et en l'occurrence, le vaudou haïtien, c'est un mélange entre le catholicisme romain et les religions traditionnelles de l'Afrique, au sud du Sahara. On retrouve un petit peu du vaudou du Bénin dedans, mais également des religions qui viennent, je sais pas, du Sénégal, de Mauritanie ou de Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on appelle un syncrétisme, donc un mélange des genres qui était forcé pendant le commerce triangulaire et les quelques semaines que passaient les esclaves sur le pont des bateaux, ou plutôt dans les cales, et on leur inculquait de force cette religion chrétienne. En marge de cette religion, qui a son clergé, qui a ses textes, qui a son panthéon et ses temples, eh bien, il y a des pratiques de sorcellerie. Et la zombification fait partie de cette sorcellerie, c'est-à-dire qu'elle est vraiment à la marge de la religion, comme on retrouve des pratiques de sorcellerie en marge de la religion catholique romaine, protestante, juive ou musulmane. Donc, c'est quelque chose qui est universel. Sauf que là, les zombies, il n'y en a que en Haïti, probablement parce que cette religion vaudou va se doubler de l'esclavage et se doubler également d'une connaissance des plantes et des toxiques qui existaient déjà sur place dans les populations Taïnos, Arawak et Caraïbes, c'est-à-dire cette population précolombienne qui était déjà dans toutes les îles de la Caraïbe et qui savait manier les drogues. Celle que Christophe Colomb a rencontrée, notamment. A rencontré et décimé. Exactement. Votre insatiable curiosité concernant les phénomènes surnaturels ou inexplicables vous a conduit à voyager à travers la planète, à la rencontre des peuples et des communautés qui pratiquent aujourd'hui encore le vaudou. Et alors, vous avez été vous-même initié. Je crois. Mais racontez-nous. Alors, je peux pas tout vous raconter, parce qu'on n'a pas le droit de tout raconter. D'accord. Mais ça s'est passé à peu près il y a une quinzaine d'années. Ça s'est passé au Bénin, en l'occurrence. Donc, c'est le vaudou des origines, si on peut dire, celui de l'Afrique subsaharienne. Et c'est vrai que ça faisait des années que j'allais sur le terrain pour mieux comprendre, mieux connaître, notamment en donnant des cours dans diverses universités et en allant chercher la connaissance dans les temples. Et à la fin, les adeptes m'ont dit, écoute, Philippe, là, tu poses des questions qui sont vraiment de l'ordre de l'intime. On ne peut pas te répondre. La seule solution, c'est que tu vives toi-même ce que tu cherches, ce que tu veux comprendre. Reviens l'année prochaine, et si tu le souhaites, nous t'initierons. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Je suis revenu l'année d'après, j'ai été initié. Donc, j'ai subi moi aussi une mort factice, un enterrement factice, une renaissance qui est symbolique, et puis tout un tas de rituels qui s'accompagnent d'une éducation particulière, d'une ouverture des yeux, si on peut dire. Aucune consommation de produits stupéfiants, je vous vois venir avec vos roulements d'yeux, rien du tout de tout ceci, des privations de sommeil ou autre. Mais surtout, au-delà de ça, c'est pas l'initiation qui dure une heure pour les touristes, hein. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus réel et beaucoup plus intense. C'est vraiment un pas de côté fait dans la réalité du monde et qui me permet vraiment d'éclairer la complexité à la fois de ce qui nous entoure, mais également des objets dont nous avons la garde au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, et de mieux comprendre de quoi ils sont faits, quels sont les symboles, quelles sont leurs matières premières et surtout quelle est la vitalité des statues, des objets, de ce qu'on appelle communément des fétiches. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti, vous ? Eh bien, une révélation ou pas ? Pas une révélation, enfin, ça n'a rien de... Non, vous êtes scientifique, je rappelle. Je rappelle. Et figurez-vous que je ne l'oublie pas. Mais non, c'est pas... ça n'a rien de mystique ou d'autre. Non, c'est simplement un passage d'information et en effet, la sensation d'être couché dans son cercueil, d'être au pied d'un arbre en pleine forêt sacrée et de revivre tout simplement des étapes, soit qu'on a déjà vécu quand on était tout petit, soit qu'on vivra plus tard quand on sera mort. C'est une sorte de vie et de mort en accéléré. Et en tant qu'anthropologue, c'est surtout la question du rapport entre les vivants et les morts qui vous intéressait, j'imagine. Et qu'avez-vous découvert ? Ben, moi, je suis de formation de médecin légiste, donc j'ai fait 2000 autopsies à peu près. Donc la mort est une sorte de compagne de travail. Et forcément, on se pose la question de... comment gérer la mort dans d'autres cultures, et notamment dans la culture du vaudou, d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Eh bien, ça me permet de me rendre compte que la véritable mort, ça n'est pas un cadavre. La véritable mort, c'est l'oubli. C'est le fait qu'on n'ait plus en mémoire un visage, une chaleur, une odeur, une voix. Ça, c'est la véritable mort. Mais un cadavre en lui-même, c'est un patient, c'est encore une figure humaine. Et dans beaucoup de religions, il y a encore une frontière extrêmement perméable entre les vivants et les morts. La mort est une fenêtre qu'on ouvre et qui ne se referme pas. Cela dit, un agnostique peut très bien rendre quelqu'un, un proche mort encore vivant, en parlant de cette personne. Tout à fait. Ça passe pas forcément par la croyance religieuse. Ça ne passe pas forcément par la religion, ça passe par le souvenir, tout simplement. Vous pouvez très bien aller au musée du Louvre et dire à voix haute, en les lisant, le nom de défunts marqués sur les stèles funéraires grecques ou romaines, en étant totalement agnostique. Vous les ferez revivre temporairement, et en plus, je pense qu'ils seront heureux. Existe-t-il des structures médicales ou universitaires qui étudient le vaudou et toutes les questions qu'on se pose autour ? Oui, il y en a plusieurs, que ce soit déjà au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, où nous avons des missions anthropologiques et archéologiques qui sont à la fois au Bénin, à Abomey, dans les anciens palais royaux, mais aussi en Haïti, dans les cimetières principaux, et puis également au laboratoire anthropologie, archéologie, biologie, à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, où on travaille beaucoup sur l'anthropologie de la mort et des rituels magico-religieux, notamment dans le monde vaudou. Donc, d'autres laboratoires également dans le monde entier. Vous avez cité Harvard avec Wade Davis. C'est un terrain extrêmement fertile, parce qu'on est à la confluence entre les sciences humaines et les sciences fondamentales. Et c'est ça qui est passionnant. On se retrouve dans 3 minutes, Philippe Charlier, après avoir écouté Robert Finlay, Sold Out on You. Sold out on you. Sad but it's true. After all we've been through, I'm sold out. Put me through hell, got me under your spell. No matter how hard I try to hide it, the whole world can tell. It just ain't no way. No matter how hard I pray, there ain't nothing I can say. It's gonna save us today. I don't understand. You got my heart in your hand. I'm doing the best that I can, but I'm only a man. Ain't it a pity? Ain't it a crying shame? I'm in the heart of the city, and I still Inter. Affaires sensibles. Philippe Charlier, existe-t-il des rites vaudous ailleurs qu'en Haïti ? Oui, il existe des rites vaudous ailleurs. Et des zombies, on peut se poser la question, il y en a ailleurs qui ont été décrits, en Afrique du Sud, au Cameroun, peut-être au Congo-Brazzaville. Et assez souvent, c'est au sein de la diaspora haïtienne. Il semble vraiment que ça soit... Ça renvoie quand même à Haïti. Ah, c'est vraiment... On peut dire que 99,99% des zombies sont haïtiens. Alors, vous avez mené une enquête très poussée sur le rôle et les caractéristiques de la tétrodotoxine. Voilà. Sinon, on dit TTX, c'est plus simple. Ah, c'est bien ça, TTX, ça m'arrange. Substance que Wade Davis a décrite comme étant l'un des agents actifs de la potion vaudou. Pensez-vous, vous, que c'est cette substance la clé du mystère ? C'est une des clés des mystères, si je peux dire. En fait, il y a le datura, il y a la jusquiame, ce qu'on appelle également le concombre zombie. C'est vraiment une sorte de soupe magique, si on peut dire, qu'on va donner à l'individu. Ça passe difficilement la barrière de la peau, donc il faut en plus donner quelque chose qui va permettre à cette drogue de traverser la barrière cutanée. Généralement, on met de la bave de vipère ou du jus de crapaud, qui est un peu irritant. En plus, c'est un peu, vous voyez, fantasmagorique, ça rappelle un peu les sorcières du Moyen-Âge. Et ça joue là-dessus. Et du coup, quand on se gratte, eh bien, ça fait passer la tétrodotoxine à travers la peau. La TTX. Bravo. La TTX à travers la peau. Et en effet, 4 à 6 heures plus tard, on est en état de mort apparente. Mais plus que ça, plus que simplement les drogues, et c'est bien ce que disait Max Beauvoir, que j'ai eu la chance de rencontrer également. Psychologique, c'est ça? Oui, mais au-delà de la psychologie, c'est même la culture. Il faut y croire, il faut être complètement baigné dedans. Il faut avoir trouvé des pattes de poulet sur le seuil de sa porte, il faut avoir du sang projeté sur son oreiller, et donc s'entendre dire « Attention, tu vas avoir une peine pire que la mort. » Et ouvrir ses volets, par exemple, et trouver une chèvre devant sa maison ou une petite poupée clouée sur un arbre dans le lopin de terre. Voilà, des choses qui en elles-mêmes vont effrayer et qui vont faire comprendre à l'individu qu'un mauvais sort a été lancé sur lui et que bientôt, il sera dans un cercueil. Pour votre série documentaire, Enquête d'ailleurs, vous vous êtes rendu à Haïti, bien sûr, vous êtes allé dans le cimetière où avait été enterré Narcisse. La première fois, ça fait bizarre de dire un homme a été enterré une première fois. Bon. Mais il y a même des photographies en noir et blanc où on le voit assis sur sa sépulture, c'est assez étonnant. Dites donc à l'angoisse, au passage, de se retrouver dans un cercueil et puis d'entendre, c'est complètement fou, d'entendre ce que les survivants, vos proches, disent de vous. Vous vous rendez compte, ce serait une double peine s'ils disaient rien, quoi. Alors moi, j'ai rencontré plusieurs zombies qui se sont échappés, qui m'ont raconté les funérailles chantées, le bruit des pelletées de terre qui tombent sur le bois du cercueil, qui m'ont raconté également... Il y en a une qui m'a dit que quand on l'avait mise dans son cercueil, il y a un clou qui était mal mis, qui lui a embroché la cuisse, mais elle ne pouvait pas crier parce qu'elle était sous l'emprise de la tétrodotoxine. Il y en a une autre aussi, c'est un cierge qui est tombé sur son bras, qui l'a brûlé, et de la même façon, elle n'a pas pu réagir. Alors en Haïti, vous avez posé des questions à la population. Est-elle encline à parler de vaudou facilement ou... De vaudou, oui. Des zombies, beaucoup moins. Même si le terme est rentré vraiment dans le langage commun, là-bas, on ne parle pas de chèque en bois, on parle de chèque zombie, par exemple. Et voilà, c'est vraiment dans le langage vernaculaire. Mais c'est vrai que quand je suis allé, en plus c'était la tombée du jour, tout début de la nuit, quand on est arrivé au cimetière de Lester, et là on a trouvé le fossoyeur, qui était celui qui avait enterré déjà... La première fois, il était quasiment sans âge et il a très bien reconnu l'endroit. Il nous a mené tout de suite au tombeau et le tombeau était en partie rapiécé, c'est-à-dire que les gens vont récupérer des petits bouts du ciment du tombeau de Clervus Tarsis pour faire des filtres magiques. Comme ils vont également casser des petits morceaux des céramiques qui protègent le tombeau des Duvaliers au cimetière principal de Port-au-Prince pour faire de la magie. Mais à nouveau, ça c'est pas du vaudou, c'est de la sorcellerie qui utilise les codes du vaudou. Mais oui, l'endroit en lui-même, il est un peu mal famé. C'est quand même... Généralement, on ne va pas trop dans un cimetière la nuit en Haïti. Ou alors, c'est qu'on est un beau corps et qu'on va faire des sortilèges ou des maléfices. Comment les Duvaliers ont-ils exploité politiquement ce phénomène? On rappelle quand même cette bande d'affreux Jojo qui sont dictateurs de père en fils et qui ont semé le malheur dans ce pays qui en connaît déjà beaucoup. Papadoc et Babidoc, ouais. Ils ont joué sur l'ambiguïté. Ils disaient que les tontons Makout avaient un double pouvoir qui était à la fois paramilitaire, si on peut dire, mais également mystique, c'est le terme consacré. Et qu'ils étaient animés par des substances, que c'était parfois des zombies d'ailleurs qui étaient à la solde des Duvaliers et qu'on ne pouvait pas s'en prendre à eux parce qu'ils étaient immortels. Parce que c'était le vaudou qui les tenait. Sachant que d'un autre côté, les Duvaliers étaient présentés comme très chrétiens. Mais ils avaient tellement peur des drogues, vous savez, que quand ils allaient à la cathédrale de Port-au-Prince, ils se promenaient avec leur propre fauteuil, parce qu'ils avaient peur qu'on ait mis de la drogue sur les fauteuils sur lesquels ils se seraient assis. Donc ils connaissaient le pouvoir des poisons, ils s'en méfiaient beaucoup. En tant qu'anthropologue scientifique et donc homme sérieux, n'êtes-vous pas fatigué de voir les zombies sortis de leur cadre pour devenir, par exemple, des cannibales ? Eh ben ça, c'est pas les zombies originels. Ça, c'est vraiment lorsque l'île est devenue sous emprise américaine, a été colonisée littéralement, Hollywood s'est emparé de ce style-là et les zombies ont complètement changé par rapport à la réalité. Ce que vous voyez maintenant, les zombies, c'est une sorte de mélange entre des loups-garous, des vampires, des fantômes, des esprits et qui reprend plus ou moins le code des zombies haïtiens, mais quasiment pas. La Nuit des Morts Vivants, par exemple, ou Walking Dead, c'est en fait, sur le plan anthropologique, la peur d'une mort contagieuse. Ça n'a rien à voir avec les zombies haïtiens, ça n'emporte que le nom, sachant que le nom zombie vient d'un mot congo. Ah oui, tiens, ça vient d'où ? Eh bien, ça vient d'un mot congo, donc Afrique de l'Ouest, qui signifie fantôme d'un enfant mort. Et voyez comme ça, au fur et à mesure, comment, derrière ce mot, beaucoup de choses se sont retrouvées avec des sens extrêmement variables. Avez-vous fait face à d'autres cas, d'autres affaires dans lesquelles un zombie serait revenu à la vie ? Oui, il y a un cas qui défraie la chronique en ce moment au Congo-Brazzaville, qui est celui de Prince Detmer, qui est un danseur, un artiste, qui a été retrouvé mort, paraît-il, après un accident de voiture, qui a été enterré et puis qui a été revu un petit peu plus tard. Celui-ci, pour le coup, n'est pas haïtien, mais ça ressemble fichtrement à des histoires de zombies. Est-ce qu'on serait maintenant dans un échappement de la zombification hors du simple cadre de Haïti et de la diaspora haïtienne ? Je vais probablement aller enquêter sur ce cas avec deux autres collègues anthropologues au Congo-Brazzaville, donc rendez-vous dans quelques mois pour en reparler, si vous voulez. Avec plaisir. Mais le cas de Narcisse, pourquoi est-il le plus connu ? Est-ce qu'il a quelque chose de plus exceptionnel que les autres ? Parce que c'est toujours exceptionnel. C'est un très bon client. Clervus Narcisse était un très bon client. Il était très coopérant, il a eu plusieurs existences, il a été interviewé, on a la chance également d'avoir beaucoup de pièces de dossier pour lui. Certificat de décès, on a des photographies. Et puis, comme vous l'avez dit, il a vraiment fait plusieurs fois le tour du monde. Il a très bien vécu sa deuxième vie. Il en a bien profité. Franchement, c'est presque souhaitable comme existence. Et honnêtement... À part le passage dans le cercueil. Hein. Oui, oui. Ça, c'est un mauvais moment à passer, on va dire. Moi qu'on puisse dire. Mais sinon, oui, il a lancé la mode. Il a été très, très coopérant. Maintenant, il y en a eu d'autres. Moi, j'ai travaillé sur Adeline D, par exemple, qui était, elle, à l'hôpital psychiatrique à Port-au-Prince et qui, elle, a eu malheureusement beaucoup plus de dégâts sur le plan neuropsychologique. Et puis également sur un collègue qui était gynécologue qui a été formé à Besançon, dans le Doubs, et qui, lui, a été vraisemblablement zombifié par sa belle-mère. Et il s'en est sorti, le diagnostic de vie, si je peux dire, a été fait sur le cadavre, très peu de temps avant sa mise en bière dans le cercueil. Donc, on se rend compte que la zombification est un phénomène qui n'est pas si rare que ça en Haïti. Quand on lit le Nouvelliste, qui est l'équivalent du Parisien, si on veut, là-bas à Port-au-Prince, allez, quasiment une fois toutes les trois semaines, il y a un cas de zombie qui fait la une. Donc c'est quelque chose qui est assez courant, on vit avec, plutôt on survit. Oui, vous savez, c'est le cas de le dire. Merci infiniment, Philippe Charlier. Je renvoie les auditeurs à votre livre « Zombies, enquête sur les morts vivants » paru chez Talendier en 2015. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le cas Clairvius Narcisse. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Marie Potier.